بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أو عملا متقبلا وبعد وصلنا وتوقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه في مسألة أنه في مسألة صحة الحديث في تعيين هذه الأسماء وقد ذكر المصنف ألا وهو الشيخ محمد بن الصالح العثيمين بأن الحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف في تعيينها ضعيف وذكر أسباب منها قال هذه علل يعني ذكر العلل علل الحديث قال في شرحه أن هذه علل ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله ليست العلة تفرد الوليد وتكلمنا وتحدثنا في الوليد وهو الراوي راوي الحديث الوليد قلنا اسمه الوليد ابن مسلم وقال ابن حجر رحمة الله عليه ليست العلة تفرد الوليد فقط لكن هو ضعيف معروف بالتدريس بالتدليس وذكرنا معنى التدريس وبلتو التدليس بل اختلاف فيه أي في الحديث بل الاختلاف فيه وذكر هذا في المتن وفي الشرح يقول في الحديث يعني الاختلاف المقصود به في الحديث ولهذا فإن الذين عدوها لم يتفقوا على شيء معين الاضطراب هو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي ولا الترجيح فإن أمكن الجمع فلا اضطراب لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في اللفظ وإن لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ أو منكر فإذا اضطرب الرواة مع التساوي بقي الإنسان في شك من صحة الحديث لأنه لا يمكن أن يرجح طرفا على الآخر ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف ثم ذكر في الشرح أنواع التدليس وقد قرأنا هذا في الحلقات السابقة. Donc on va continuer les frères. Et donc cette partie-là, dans les dernières assises, on les avait lues et il manquait de traduire et d'expliquer cette partie-là. Puisqu'on est en train de terminer la question concernant, puisqu'on s'est arrêté sur l'étude de la question concernant la détermination, c'est-à-dire concernant le hadith ou les récits qui nous sont rapportés concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a la mention, la détermination des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on est dans le chapitre concernant l'étude des noms divins. Et donc, L'auteur, c'est très pertinent qu'il explique cette question-là, puisque avant, il nous a enseigné dans ce chapitre, dans cette règle-là, puisqu'on est dans l'étude de la règle, concernant le fait que les noms d'Allah Azzawajal se limitent pas à un nombre précis et défini. Sauf que on a la connaissance de 99 noms, mais on apprend dans ce chapitre qu'Allah Azzawajal a des noms qu'il n'a pas révélés, que seul lui connaît, subhanahu wa ta'ala. Et donc le récit, on avait appris, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte à mémoriser, à apprendre 99 noms, ces 99 noms parmi les noms d'Allah. Le prophète dit, celui qui mémorise 99 noms, apprend 99 noms, car il dit, Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les apprend, entre au paradis. Les savants, la majorité des savants, on a dit l'avis et l'opinion de la majorité des savants, que le récit est dans le sens, celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a d'autres noms. Sauf la question ensuite que l'auteur traite, Cheikh Ibn Uthaymeen, mais est-ce qu'il y a donc un hadith qui remonte, un texte qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y a la mention de ces 99 noms? Et vous savez, parfois, vous voyez des cadres, où il y a la mention dans certains cadres, parfois qui sont accrochés dans les maisons, à titre d'embellissement et d'ornement dans les maisons avec les 99 noms. Souvent, c'est tiré de cette version-là, de ces riwayats-là, de ces récits. Sauf que les savants disent que le récit ou les récits où il y a la mention des noms d'Allah Azza wa Jal remontant jusqu'au prophète sont faibles, ils ne sont pas authentiques. Et là, on était dans l'explication. Pourquoi l'auteur, et il rapporte l'avis d'autres savants, pourquoi beaucoup de savants considèrent que il n'y a rien qui remonte jusqu'au prophète d'authentique, puisqu'il y a des textes qui remontent jusqu'au prophète, mais il les considère non authentiques, faibles. Et donc, là, le Cheikh nous explique pourquoi il le considère faible. C'est quoi la défaillance? Pourquoi les textes ne sont pas authentiques? Donc, on avait dit premièrement, parce qu'ils disent, le rapporteur, il y a Al-Walid ibn Muslim. Et donc, dans la dernière assise, on avait parlé du rapporteur Al-Walid ibn Muslim. Et Cheikh Islam Taymiyyah et d'autres savants font allusion à Al-Walid ibn Muslim. Et par rapport à son tadlis, le fait qu'il faisait tadlis, mais un genre qui fait qu'ils n'ont pas accepté sa narration. Ils n'ont pas accepté sa narration de Al-Walid ibn Muslim. Et donc on avait parlé de cela et on avait terminé avec cela dans la dernière assise. Donc on va continuer, Inch'Allah. Avant de rentrer ensuite dans l'étude des noms, on termine cette question-là que développe Cheikh ici, puisque l'auteur ensuite, il développe bien la question. Et donc ça, j'ai commencé à vous lire et vous faire partager cette recherche. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir un avant-goût sur les recherches des savants et sur la terminologie du hadith, c'est-à-dire ce qu'on appelle ilmu al-hadith, et le domaine de la terminologie du hadith, le domaine du hadith, comment les savants analysent les chaînes de transmission, il y a des appellations, c'est tout un savoir, c'est tout un domaine, et le fait de prendre connaissance de ces recherches, c'est très bénéfique pour le lecteur ou l'étudiant. Donc, Cheikh ensuite explique, il dit, de même, le récit. Il dit, وَلِهَذَا فَإِنَّ الَّذِينَ عَدُّوهَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ. Il considère, un shirk, qu'il y a ce qu'on appelle al-ittirab. Al-ittirab. Al-ittirab, c'est une appellation d'un genre de hadith faible. Ce qu'on appelle al-hadith ou al-muttarib. Il y a une forme de hadith da'if. Vous savez, il y a plusieurs genres. Dans le jugement des récits, on a des récits qui sont authentiques et des récits considérés à l'inverse, daif, faibles. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui sont rapportés, mais dont les grands spécialistes disent que ces récits-là sont faibles. C'est-à-dire, on ne peut pas les attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que les hadiths faibles varient en genre. Il y a différents hadiths faibles. Donc vous avez al-hadith al-da'if, mais lorsqu'on dit que le hadith est faible, chez les spécialistes ensuite, ils vont évoquer pourquoi, expliquer pourquoi le hadith est faible. Et donc, les hadiths faibles, il y a plusieurs genres. Il y a le hadith, par exemple, al-mawdou', qui fait partie des pires. Le hadith inventé, le hadith forgé. Al-mawdou', ça fait partie des pires hadiths faibles. D'ailleurs, il s'appelle da'ifu jiddan. C'est ce qu'on appelle les très faibles. Et il y a une différence chez les grands savants dans le domaine entre très faible et faible. Entre très faible et faible. Pourquoi ? Parce que différents hadiths faibles, s'il y a plusieurs hadiths faibles, mais à chaque fois des récits viennent avec des voix différentes, et ils sont faibles, mais ils viennent tous dans le même sens. Alors les savants peuvent les réunir, et tous ces récits faibles peuvent ensuite devenir hassan. Ils peuvent devenir hassan. Donc, ils travaillent sur même les hadiths faibles, mais bien sûr avec des conditions. C'est pour ça que le hadith hassan, c'est ce qu'on appelle le hadith bon. Et le hadith bon, chez les spécialistes, ils disent qu'il y a deux catégories de hadith bon. Il y a le hadith bon en lui-même, le hadith bon pour autre que lui-même. C'est-à-dire, les dhatihi, ou les ghayrihi. Les dhatihi, c'est-à-dire lui-même, il est bon. Il est hassan. Hassan, c'est-à-dire, il n'arrive pas au degré de authentique, de sahih. On a l'authentique, on a le hadith bon. Et donc, on a un hadith qui est bon pour lui-même, vidatihi, il est bon, et des fois, il est bon, l'irélihi. Il n'était pas forcément bon en lui-même, mais le fait qu'ensuite, il y a d'autres voix qui sont venues l'appuyer, même si elles étaient faibles, alors ensuite, il peut devenir, les savants peuvent juger qu'il devient bon. Mais c'est ce qu'on appelle hassan, l'irélihi. Sauf que le hadith très faible, même si on les réunit, les savants ne vont pas juger ensuite qu'il peut devenir bon. Le hadith très faible, il est laissé. Très faible, al-da'ifu jiddan, comme par exemple al-mawdou', al-munkar, par exemple le hadith al-munkar ou al-makdhoub. Ça, c'est des formes de hadith très faibles. Donc on a différents genres de hadith faibles, comme on a cité précédemment. Parmi les hadiths faibles, il y a un hadith qu'on appelle, un genre de hadith qu'on appelle Al-Muttarib. Al-Muttarib, en français, pour mieux comprendre, littéralement, c'est lorsqu'il y a irrégularité, mais dans le sens d'instabilité. Il y a une instabilité. C'est-à-dire, les savants, après étude du récit, ils vont se rendre compte, par exemple, l'instabilité, elle peut venir dans deux choses. Le hadith Muttarib, il est dans deux choses. Soit c'est lié à la chaîne de transmission, la chaîne des rapporteurs, soit c'est lié au metn, au hadith lui-même. Soit c'est lié au hadith lui-même. Donc pour bien comprendre, l'instabilité c'est quoi ? C'est lorsque un récit nous est rapporté, les savants voient les chaînes de transmission, mais il y a des divergences. Il y a des divergences dans les chaînes de transmission qui remontent au même récit. De sorte que tous ou toutes ces chaînes de transmission se valent. On ne peut pas dire que cette chaîne-là ou cette voie-là est meilleure que l'autre. Quand on regarde, toutes se valent. On ne peut pas dire que celle-ci prévaut ou celle-ci prévaut. Là, les savants considèrent qu'il y a instabilité au niveau du sanad, au niveau de la chaîne de transmission. Et parfois, ça peut être au niveau du texte. Parfois, al-tirab, ça peut être au niveau du texte. Ça, c'est une grande faïda. Ça, c'est très important de connaître. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de questions, si vous lisez des livres, vous parcourez des livres, et même dans des questions de jurisprudence, parfois, vous allez être ensuite stoppé. Si vous lisez certaines questions, vous commencez à vous approfondir pour voir les avis des savants sur ces questions-là, vous allez stopper. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que souvent ensuite, ça revient au texte. Pourquoi ? Parce que des fois, la divergence dans l'avis liée à la jurisprudence, c'est lié souvent au hadith. un avis est lié au fait que c'est dû à des savants qui considèrent que le hadith est authentique et d'autres savants qui considèrent que le hadith est faible. À titre d'exemple, l'interdiction du jeûne de samedi. Le jeûne de samedi. On a l'avis de grands savants, en l'occurrence parmi les savants contemporains, comme Cheikh Al-Albani, qui a un avis très strict sur le samedi. Même si ça coïncide avec un jour où il est méritoire et bon de jeûner, une occasion, dans des circonstances où il est bon de jeûner, Cheikh y voit, il a waqa'a fi yawm al-sabt, il est interdit de jeûner fi yawm al-sabt. Et Cheikh a un avis très strict sur cela. C'est par rapport au récit où le prophète en samedi, la tasawmu yawm al-sabt, illa fi maftulida alaykum. Ne jeûnez pas le samedi, sauf sur ce qui vous a été prescrit, c'est-à-dire obligatoire. Obligatoire. Beaucoup de savants, comme c'est l'avis de la commission permanente des fatawa, fil mamlaka, avec comme président il y avait Cheikh Ben Baz, et d'autres grands savants de le mamlaka, considèrent que, dans certaines circonstances, on peut jeûner Yom Sept, si ça coïncide avec une occasion comme Ashura, ou Yom Ashura, ou d'autres comme Yom Arafa, ou d'autres occasions qu'on peut jeûner Yom Sept. Eux, parmi la divergence, eux, ces savants-là, si vous regardez Fatawa al-Lajnat al-Da'ima, ils vont dire que le hadith, il est muttalib. Ils vont dire que Cheikh Al-Albani dit qu'il est authentique. Il n'est pas muttalib pour Cheikh Al-Albani. Mais eux vont dire qu'il est muttalib. Donc si vous lisez la Fatawa et vous essayez de creuser la question de Yom al-Sabt, soit certains frères, ils ont lu une Fatwa, la vie de Cheikh, il te dit « Latsom Yom al-Sabt, ne jeûne pas le samedi ». Il pense qu'il est convaincu, dès qu'il voit quelqu'un jeûner le samedi, il prend le Fatawa al-Kibala ulama, de grands savants, il pense que cet avis-là n'existe pas. Il pense qu'il n'y a que l'avis, l'interdiction stricte de jeûner. Si tu commences à discuter avec la personne à creuser, tu dis oui, mais tu sais, certains savants considèrent que le hadith est le mot tarib. Silence. Donc, comment on débat sur une question? On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Al-Hadith al-Muttalib, vous allez bien comprendre. Vous voulez qu'on détaille juste un peu? Donc je vous prends un livre célèbre, Fi Ilm al-Hadith. Fi Ilm al-Hadith, ce livre-là est enseigné. C'est un très très bon livre. C'est un livre simplifié. C'est un savant qui a rédigé un livre simplifié dans le domaine de Ilm al-Hadith. Si vous voulez, là, c'est... On n'est pas dans l'Ilm al-Hadith, c'est-à-dire, dans l'Ilm al-Hadith, il y a différents domaines. L'explication des hadiths du prophète, Shuruh al-Hadith. Là, on est dans les terminologies. On est dans ce qu'on appelle al-Mustalah, al-Mustalahat. Et donc, dans le cursus, il y a différents livres. On étudie différents livres dans le cursus de Mustalah al-Hadith, comme c'est enseigné dans les écoles. C'est un ancien docteur, un ancien savant, qui était oustad dans une université, et qui était oustad al-hadith, qui était un professeur dans le hadith, dans la faculté du hadith. Et donc il a pris les livres dans le Mustalah al-Hadith et a fait un livre, a pris les informations et à résumer pour les toulab al-ilm, pour les étudiants en sciences. Et ce livre-là est enseigné à la Jamia al-Islamiyya, à l'université de Médine. Il a enseigné. Il a enseigné dans les facultés. Il a enseigné aussi fi Dar al-Hadith de Mecca, qui est célèbre. C'est une sorte de grande université à la Mecque, Dar al-Hadith, qui a été fondée par de grands savants. Et où Cheikh Mohamed al-Ethiopi, Mohamed Ali Adam al-Ethiopi, était professeur. Rahmatullahi Ali, et d'autres grands savants étaient professeurs, comme d'anciens savants, comme Mohamed Jamil Zinou, si vous vous rappelez du grand Cheikh Mohamed Ahmed Zinou, à l'époque, qui est Rahmatullah Ali, qui est décédé. Et ils étaient enseignés en fait al-Dar al-Hadith. Ce livre est enseigné. Dans ce livre-là, Fi Taysir Mustalah al-Hadith, il dit, vous allez bien comprendre, al-Muttarib, en fait, قال il va expliquer l'ouraten dans la langue. On va simplifier, on va faire très vite pour qu'on puisse continuer dans notre sujet. Il va expliquer l'ouraten. Ensuite, istilahan. Il va expliquer dans istilahan. Nous, ce qui nous intéresse, c'est fil istilah. C'est al istilah. Donc, on avait dit que tarib, on peut dire qu'il y a deux genres. Al-tarab, on peut dire que c'est une sorte d'instabilité. C'est une instabilité. Cette instabilité qu'on peut retrouver soit dans la chaîne de transmission, soit dans le texte, le récit en lui-même. C'est suivant l'endroit où se trouve l'instabilité. Ensuite, vous allez bien comprendre de manière très simple. Et donc l'instabilité, c'est dans la chaîne de transmetteur ou bien par l'énoncé même du hadith. Par l'énoncé même du hadith. Par exemple, on a un hadith. On a un hadith. فقال في كلامي المضطرب السند مثاله حديث أبي بكر. On a un hadith qui nous a rapporté d'Abu Bakr ou qui remonte à Abu Bakr. Un jour, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Araka shibta, je te vois que tu as pris de l'âge. Il dit au prophète, au messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est cité dans le récit, il dit « Shayyabatni hudun wa akhawatuha » m'a donné de l'âge, Hud et ses sœurs. Hud et ses sœurs. Taïb. Had al-hadith, les savants, lorsqu'ils ont examiné le hadith, ils ont vu qu'il est rapporté par Ad-Daraqutni. Il est rapporté par Ad-Daraqutni. Qal Ad-Daraq, ou plutôt, pardon, le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Afwan, le hadith, il est rapporté par Tirmidhi fi kitab al-tafsir. Vous retrouvez dans le recueil de Tirmidhi fi kitab al-tafsir. Fi tafsir surat al-waqi'a. Surat al-waqi'a. Et Ad-Daraqutni, lui, par contre, lui, il va dire que le hadith, il est muttarib. Il est muttarib. Daraqutni, il va dire ça. Pourquoi? Il dit, après observation, analyse du récit, donc il y a instabilité. Parce qu'il dit, فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَى إِلَّا مِنْ تَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقِ. Parce qu'il est rapporté, selon la voix d'un rapporteur, que c'est Abi Ishaq. Abu Ishaq. Et ça vient que de Abu Ishaq. Sauf que, وَقَدْ اُخْتُلِفُ عَلَيْهِ فِي عَلَى نَحْوِ عَشْرَةِ أَوْجُهُ. Mais ensuite, il y a des divergences dans ceux qui rapportent, d'après Abu Ishaq. Donc, il y a des divergences dans ce qui est rapporté d'après Abu Ishaq. Comme il dit, il y a eu sur lui, à propos de cette relation, des divergences de 10 sortes. Ainsi, c'est pour ça que certains l'ont rapporté Morsel. On a une chaîne de transmission de Abu Ishaq qui remonte, mais Morsel, il manque. La chaîne, elle est détachée. On a une autre chaîne de Abu Ishaq qui remonte, elle est Mawsoul, elle est attachée. Donc on a une chaîne, elle est détachée, c'est-à-dire il manque un rapporteur pour monter jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre chaîne, elle est Mawsoul, elle remonte totalement jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y en a qui l'ont rapporté Morsel, détaché, il y a un manque. Il y en a qui l'ont rapporté attaché, c'est-à-dire elle remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Min musnadi Abi Bakr. Certains rapporteurs ont dit ça fait partie des musnads de Abu Bakr, des hadiths de Abu Bakr. D'autres ont dit non, de Aïcha. D'autres ont dit non, de Saad. Donc, il y a des divergences. À ce moment-là, la règle pour qu'il soit muttarib, si on ne peut pas faire prévaloir une chaîne de transmission sur l'autre, du fait qu'elles se valent, on ne peut pas faire prévaloir. Et deuxièmement, la première chose, on ne peut pas faire prévaloir parce qu'elles se valent. Et deuxièmement, on ne peut pas dire c'est quoi la plus plausible. C'est quoi la plus plausible. Si on ne peut pas faire ça, alors c'est instable. C'est muttarib. Et donc les savants considèrent comme faible. Considèrent cela comme faible. Là, pourquoi? Parce que toutes ces chaînes de transmission qui partent de cet homme Abu Ishaq, tous les hommes, on a dit, il y a des chaînes, elles sont détachées. Il y a une chaîne, elle est détachée, elle est morcelle. Je traduis littéralement pour ne pas rentrer dans le morcelle. Vous avez vu, même quand on explique ça, on est obligé de connaître les autres gens. Il y a une, elle est morcelle. Et une autre, elle est mausoul. La morcelle, je vous la traduis par détachée, il manque pour remonter jusqu'au prophète. Il y a une autre, elle est mausoul. Sauf que toutes ces chaînes de transmission, les rapporteurs sont authentiques. S'il y a une chaîne de transmission, il y a des rapporteurs, ils sont faibles. Ben, on prend celle où il n'y a que les authentiques. Mais comme ils sont tous authentiques, et les savants ne peuvent pas faire prévaloir une chaîne sur une autre. De là, ils disent qu'il y a al-tirab. Il y a une instabilité. C'est au niveau de la chaîne de transmission. Ensuite, tantôt, elle fait partie du mousnad de Aïcha. Tantôt, ils disent mousnad de Saad. Tantôt, mousnad de Abu Bakr. Donc, les savants, ensuite, ils peuvent pas faire ce qu'on appelle al-tarjih. Peuvent pas. C'est-à-dire, tarjih, c'est dire qu'est-ce qui est plus plausible. On retient cela. Ils peuvent pas retenir une chose par rapport à une autre. Voilà. On résume comme ça. Ils peuvent pas retenir une chose par rapport à une autre. Ça, vous avez vu, c'est lié à la chaîne de transmission. Mais parfois, l'instabilité, elle est dans le texte. Parfois, l'instabilité se trouve dans le texte. Par exemple, مثاله ما رواه الترمذي عن شريك. Par exemple, pour bien comprendre une instabilité comme celle-ci dans le texte, alors, il y a un hadith aussi qui est rapporté dans le recueil de At-Tirmidhi. Donc en fait, il y en a. Hein. Sauf là, les savants donnent un exemple pour que le talib, l'étudiant, comprenne. Sinon, il y en a d'autres. Là, par exemple, il donne l'exemple du hadith dans At-Tirmidhi, An Sharik. Donc dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, il y a un hadith qui est rapporté d'après Sharik, qui était un rapporteur, qui rapporte d'après Abi Hamza, qui rapporte d'après Al-Sha'bi, qui rapporte d'après Fatima, fille de Qais, radiallahu ta'ala anha. Qalat, elle a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé sur Al-Zakat, sur la Zakat. Et là, elle dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fil mal fa su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an az-zakat fa qala inna fil mal la haqqan siwa az-zakat. Et elle dit, le prophète a dit, il y a sur les biens un droit en plus de la zakat. Regardez dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a sur les biens un droit en plus de la zakat. En plus de la zakat. Les savants ensuite ont vu que Ibn Majah, dans le recueil d'Ibn Majah, Ibn Majah rapporte le hadith. Ibn Majah, il rapporte le hadith. Qala wa rawahu Ibn Majah min hadha al-wajh bi lafdhin laysa fil mali haqqun siwa az-zakah. Laysa fil mali haqqun siwa az-zakah. Donc ceux qui les arabophones, ils ont tout de suite compris là. Ils ont tout de suite vu où il y a quelque chose. Regardez, et là je vais vous le traduire. Dans Ibn Majah, dans le recueil d'Ibn Majah, ce hadith-là, il est rapporté. Ibn Majah le rapporte, comme Tirmidhi le rapporte. Sauf dans les termes, il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Le hadith dans Tirmidhi, il est dit, il y a sur les biens un droit en plus de la zakat. Et dans Ibn Majah, il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Là, le hadith que rapporte Imam Tirmidhi, et la chaîne de transmission, elle est mentionnée. Donc, la chaîne de transmission, elle est bonne. Sinon, si la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne, bah, le hadith, la chaîne de transmission, elle est faible, le hadith, c'est le drive. Mais là, la chaîne de transmission, c'est d'après Shalik, An Abi Hamza, An Sha'bi. Donc là, c'est d'après donc l'homme Shalik, qui rapporte d'après un homme qui s'appelait Abu Hamza, qui rapporte d'après Sha'bi, le grand imam, hein, célèbre, qui rapporte d'après Fatima, la fille de Qais, qui dit que le prophète, il a été interrogé, justement, sur la zakat, et le prophète a dit, il y a sur les biens un droit en plus de la zakat. Sauf que Ibn Majah rapporte le même hadith, mais il dit, le récit que le prophète a dit, il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Là, les savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont analyser. Ils vont chercher. Ils vont chercher quel est celui qu'ils peuvent faire prévaloir. Donc, attention, parfois, il y a des qara'in, il y a des indices, ils font des recherches et ils arrivent à déterminer. Par exemple, la version à retenir et le récit à retenir. Sauf que si ils n'arrivent pas à déterminer c'est quoi qu'on retient. Est-ce qu'on retient le récit où il y a la négation ou le récit où il y a l'affirmation? S'ils n'arrivent pas à déterminer. Pourquoi? Tout se vaut. Si tout se vaut, ils ne peuvent pas dire que celui-ci prévaut sur l'autre, ils ne peuvent pas jumar, rassembler ou expliquer. Ils ne peuvent pas cela, alors c'est considéré comme instable. Ils disent c'est muttarib et donc c'est faible. C'est considéré comme faible. Ils ne retiennent pas ni la version-là, ni la version-là. Mais ça, c'est on l'explique d'une manière très simplifiée. Sinon, ensuite, il y a plus d'exemples, il y a des nuances, il y a des détails pour que ça soit muttarib. Ensuite, il y a des conditions. Mais en règle générale, c'est ces deux conditions-là. Ensuite, parfois, on pense que c'est le tirab, il y a instabilité, alors qu'en fait, il n'y a pas instabilité. Et ça, les grands spécialistes savent juger quand est-ce qu'il y a instabilité. Parfois, on pense que c'est une instabilité, mais en fait, les savants arrivent à réunir ou bien à retenir une chaîne de transmission par rapport à une autre, ou bien un texte par rapport à une autre. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les tirab, il est soit dans la chaîne de transmission, ou soit au niveau du texte. Vous avez vu, on a donné deux exemples à cela. Vous avez compris avec les exemples? C'est quoi les tirab? Filmette. Et donc, c'est pour cela que les savants disent que les tirab, il peut provenir d'un seul transmetteur qui rapporte le hadith de diverses manières. Un seul transmetteur, il va rapporter le hadith de diverses manières. Ou bien, ça peut provenir d'un groupe où chacun rapporte le hadith d'une manière qui diverge de la relation des autres. La cause de faiblesse de l'instabilité, pourquoi? Les savants ensuite, après toute cette analyse, le jugement ensuite, ce qui compte, c'est le jugement, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, dans les livres de Mustalah, de Hadith, les savants disent, conclusion, il est considéré faible. Le Hadith est considéré faible. Pourquoi? Ils disent, à cause de faiblesse de l'instable, du Hadith al-Muttarib, et que l'instabilité du Hadith suggère un manque de fiabilité de ses transmetteurs. Ça sous-entend un manque de fiabilité des transmetteurs. Et c'est pour cela qu'ils disent sababu dhaf al-muttarib an al-ittirab yush'iru bi'adam dhabt ruwatihi. Ça laisse supposer le manque de fiabilité, c'est-à-dire le manque d'exactitude. Le manque d'exactitude à ce moment-là des transmetteurs. C'est pour ça que les savants ensuite le délaissent. C'est pour ça qu'ils le délaissent. Donc voilà, en résumé, vous avez vu ça, c'est une analyse, c'est un genre de hadith faible. Vous avez vu comment les savants, ils analysent. Et le lecteur, par exemple, qui lit le hadith, qui lit le recueil de Tirmidhi, il tombe sur le récit où il est dit que Fatima, la fille de Qais, a dit que le prophète est interrogé sur la zakat, et dit, il y a sur les droits ou sur les biens un droit en plus de la zakat. Il tombe sur ce récit. Il y a sur les biens en plus un droit en plus de la zakat. Lui, c'est pas que dans Ibn Majah, il y a le même récit, mais qui dit il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Il n'y a pas sur les biens un droit en plus de la zakat. Donc lui peut mettre tout de suite un jugement. Vous avez vu comment c'est pour ça qu'on dit toujours ar-rujou' ila al-mutakhassisin, de toujours revenir aux spécialistes et aux savants, parce que il y a des choses parfois on est sûr, on a lu le hadith, mais il y a des choses qui ils nous dépassent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, regardez, si je vous traduis ce que dit Cheikh Ibn al-Thaymin, parce que Cheikh Ibn al-Thaymin, il fait allusion, il dit donc le récit de Al-Walid ibn Muslim, il dit il y a al-tirab. Cheikh Ibn al-Thaymin, il dit ça, le récit où que il y aurait des récits où que les noms seraient déterminés, que le prophète aurait déterminé fait une liste des noms d'Allah Azza wa Jal. Il dit justement, il y a instabilité. Maintenant, vous allez mieux comprendre ce qu'il dit, puisqu'on a étudié c'est quoi. Il dit, وَهُوَ اِخْتِلَفَ الْمَتْنِ أَوِ سَلَدِ اِخْتِلَفَ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعَ فِي مَا التَّسَوِي وَلَا التَّرْجِحِ. Il dit donc, il y a une divergence dans les rapports, du fait que on peut pas faire prévaloir une autre par rapport à une autre. Une autre par rapport à une autre. فَيْنَمْ كَنَ الْجَمْعَ فَلَا التَّرَابِ. Par contre, si on peut faire prévaloir ou réunir, peut-être par exemple, vous avez vu le hadith, celui-ci. Si on pourrait réunir, expliquer, en fait, le premier hadith où il est dit, par exemple, il n'y a pas de droit en plus, hormis la zakat sur les biens. Il y a sur les biens un droit en plus de la zakat. Et l'autre qui dit non. Si on pourrait réunir, si les savants pourraient expliquer, en fait, ce hadith-là, il y a négation parce que telle et telle chose. Et dans le premier hadith, il pourrait l'expliquer. Réunir les deux récits, alors il n'y aurait pas d'instabilité. Ils ne jugeraient pas qu'il est muttarib. Mais là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle al-jama. Ils ne peuvent pas faire ce qu'on appelle al-jama. Et donc, du fait qu'ils ne peuvent pas faire al-jama ou faire prévaloir une chaîne de transmission par rapport à une autre, lorsque c'est lié à la chaîne de transmission, alors c'est pour ça qu'il juste qu'il y a al-tarab. فإن أمكن الجمع فلا اضطراب لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في اللفظ وإن لم يمكن الجمع ما الترجح فالراجح هو المحفوظ فالراجح هو المحفوظ. Par contre, lorsque ça arrive et ils arrivent à faire prévaloir, ils arrivent à faire prévaloir un texte par rapport à l'autre. Par exemple, je vous donne l'exemple comme là. Tirmidhi est la version qu'il y a dans Ibn Majah. Si les savants, et là regardez la faïda, ça va vous faire résumer, ça va vous faire gagner du terrain dans la science du hadith. Si les savants arrivent à faire ce qu'on appelle at-tarjih, à retenir quelque chose. Par exemple, ils disent, on retient le hadith de Tirmidhi ou qu'il y a l'affirmation. Par rapport au hadith d'Ibn Majah où il y a la négation. On retient celui-là. Ils ne disent pas qu'il y a Tirab parce qu'ils arrivent à retenir une voix par rapport à l'autre. Ils considèrent que c'est celle-ci qu'il faut retenir par rapport à des raisons. Alors là, ça ne s'appelle plus Tirab. Mais comment ça s'appelle? Le hadith qu'ils vont retenir, il s'appellera Al-Mahfouz. C'est ça ce qu'on appelle Al-Mahfouz. Vous avez déjà entendu le hadith al-mahfouz. Le hadith al-mahfouz, c'est ça. C'est le hadith qui est retenu. On appelle ça le hadith, traduction relative, le hadith retenu. C'est dans un cas là, de hadith, on ne sait pas, sens apparent, n'ont pas le même sens, on retient, par exemple, celui de Tirmidhi, par exemple. Celui qu'on a retenu, on l'appellera al-mahfouz. Donc il sera bon. Il sera authentique, le hadith. Il est retenu, et ça, c'est un genre de hadith bon qu'on appelle al-hadith al-mahfouz. Celui, par contre, qui n'a pas été retenu, donc c'est le marjouh, celui qui n'a pas été retenu, al-marjouh, lui va s'appeler chèvre, c'est ça aussi parmi les sens du chèvre, ou bien munkar. Ou bien munkar. Le hadith qui n'a pas été retenu, il s'appellera chèvre, ou il pourrait être munkar, comme l'explique Shir. Faïda, tarab al-ruwatu ma'at tasawi baqiya al-insan fi shakkin min sahat al-hadith. Mais, si on ne peut pas, comme on l'a expliqué précédemment, et donc il est instable, on ne peut pas retenir l'un par rapport à l'autre, si c'est dans le texte, ou bien si c'est l'isnad, la chaîne de transmission, on ne peut pas retenir une chaîne de transmission par rapport à une autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un doute. On est dans le doute, puisque là, il y a des chaînes de transmission, on ne peut pas faire prévaloir une. Elles sont toutes authentiques. Elles se valent tous. Ou bien le texte aussi. Donc dans ce cas-là, Baqiya al-insan fi shakkin min sahhat al-hadith. Là, on se retrouve dans un doute sur l'authenticité du récit. لأنه لا يمكن أن يرجح طرف على الآخر. Parce qu'on ne peut pas retenir une chose par rapport à l'autre. ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف. On ne peut pas réunir entre là cette divergence-là. Donc vous avez vu, c'est une divergence soit dans la chaîne de transmission. Pour résumer, al-ittirab, c'est une divergence, soit dans la chaîne de transmission, soit dans le texte. Sauf que cette divergence, on ne peut pas la relier. فَيَبْقَ الْحَدِيثُ مِنْ قِسْمِ الضَّعِيفِ كَمَا هُوَ مَعْلُوفُ. Et donc, Cheikh dit, ce hadith-là donc sera jugé, répertorié parmi les hadiths faibles. Parmi les hadiths faibles. Voilà, en résumé, ce que dit un cher concernant le récit. Aussi, donc on a dit, Cheikh a développé, cité, ça c'est ce qu'on appelle des causes défaillantes. C'est ça les Hilal. Les Hilal dans le hadith, des causes défaillantes. Il a cité que Tedlis, ça on a, Tedlis, on a expliqué la fois dernière, lorsqu'on cache un défaut, les rapporteurs parfois cachent le défaut dans une chaîne de transmission. Parfois. On a dit Tedlis, l'auteur le fait. Enfin, l'un des rapporteurs, Al-Walid ibn Muslim. Plus, on voit que chez Redi, il y a Terab. Ce qui est une autre cause. Mais aussi, il dit Ihtimal al-Idraj. Il y a supposition, il y a ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on appelle Al-Idraj. Il dit il y a supposition que dans le récit aussi, il y a Al-Idraj. On est toujours dans le récit concernant le fait qu'il y aura un hadith du prophète ou qu'il y aura la mention des noms d'Allah Azzawajal. Al-Idraj, c'est quoi? Les savants du hadith, dans la terminologie du hadith, Al-Idraj, Al-Hadith qu'on appelle Al-Mudraj, Hadith Mudraj, c'est un genre de hadith aussi. C'est un genre de hadith. Al-Hadith ou Al-Mudraj. C'est lorsqu'il y a Idraj dans le hadith. Idraj dans le hadith, c'est-à-dire que c'est le rapporteur qui rajoute quelque chose. Parfois, le rapporteur du hadith, il va rajouter quelque chose. On pensera qu'il fait partie du texte, mais c'est un rajout du transmetteur. C'est un rajout du transmetteur. Cheikh, regardez ce qu'il dit. Al-Idraju. Al-Idraj. Al-Idraj. Lorsque vous entendez hadith ou mudraj, c'est ça. Lorsque vous entendez idraj. Et vous allez voir qu'il y a des questions, par exemple, dans le fiqh, qui sont connus, et il y a même parfois divergence par rapport à ça. Regardez la question, par exemple, le hadith de Abu Huraira, lorsque il dit que celui qui fait les ablutions et qui peut rajouter, par exemple, on lève les mains jusqu'au coude, celui qui veut rajouter, monter encore et mettre de l'eau presque jusqu'aux épaules, rajouter du bras, qu'il le fasse, il dit. Puisqu'il rapporte le hadith que le jour de la résurrection, les gens sont ressuscités et ceux qui faisaient les ablutions avec les traces justement de ces ablutions. Là, certains, lorsqu'ils disent que celui qui peut rajouter, qui rajoute, c'est-à-dire quand il lève les bras, il rajoute là, il met de l'eau ici, il rajoute, certains disent que c'est pas du prophète. Ça, c'est un rajout d'Abu Huraira. Et Abu Huraira le faisait. Et ils disent que ça, en fait, c'est pas du prophète, c'est un ijtihad d'Abu Huraira. C'est un ijtihad d'Abu Huraira. Comme il va l'expliquer. Ça, c'est un exemple de idraj. C'est un exemple de idraj, regardez. ولكن إذا دار الأمر بين كون إدراجا أو من أصل المتن فإن الأصل عدم الإدراج مثل زعم بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أن قوله وجنبوه السواد مدرج وقال آخر ليس بمدرج فالقول قول من نفى الإدراج لأن الأصل عدم والأصل ثقة الرواة وأن لا يدخل في المتون شيئا ليس منها أما لو دلت القرينة على الإدراج فلا بأس أن نقول إنه مدرج. Là il explique, Cheikh, il dit par contre, avant de juger dans un hadith qu'il y a idraj, il dit, Cheikh, qu'il faut en quelque sorte être sûr. De sorte que il dit, si par exemple il y a des rapporteurs, des savants qui disent qu'il n'y a pas idraj dans ce hadith. Par exemple, il y a un récit, certains disent, une partie du récit, c'est un rajout. Ils trouvent parfois des hadiths, il y a une partie du hadith, ils disent, comme on voit des exemples là, qu'en fait, ce n'est pas la parole du prophète, c'est du rapporteur. Mais on pense que c'est la parole du prophète. Si d'autres savants disent, il n'y a pas idraj, c'est vraiment la parole du prophète, le rapporteur n'a pas rajouté. Là, Cheikh, il dit, on ne dit pas que c'est mudraj. On dira que c'est mudraj si on a un indice. On trouve un indice qu'en fait le rapporteur a rajouté. Si on n'a pas d'indice et des savants nous disent que c'est pas idraj, alors on fait prévaloir cela. Par rapport, on fait prévaloir l'avis de ceux qui ont nié al-idraj. C'est l'avis de Shir. Il dit, et de grands savants aussi, on fait prévaloir ceux qui ont nié le fait qu'il y a idraj. C'est-à-dire ceux qu'on dit, en fait, c'est le rapporteur qui a rajouté, cette partie-là ne fait pas partie de la parole du prophète. Si des savants disent non, il n'y a pas idraj, il dit on fait prévaloir cela par rapport à l'affirmation de idraj. Par contre, pour affirmer l'idraj que le rapporteur a rajouté, il faut des indices. Il faut des indices. Qala. Pourquoi il dit, si on n'a pas d'indice et des savants disent qu'il n'y a pas idraj, on fait prévaloir la négation de l'idraj, parce qu'il dit, la base, c'est la fiabilité des rapporteurs. C'est ça la base. C'est la fiabilité des rapporteurs. Et donc, il n'y a pas de rajout du rapporteur, c'est ça. Donc, les rapporteurs, par exemple, de la chaîne de transmission, sont considérés comme fiables et pieux. Ou fiables, de qui on accepte. Donc, dans ce cas-là, pour dire qu'il aurait rajouté quelque chose, par exemple, il faut des qarina, il faut des indices. Pourquoi ? Parce qu'à la base, les rapporteurs ne rentrent pas dans un texte, ce qui n'en fait pas partie. Ce qui n'en fait pas partie. Par contre, il dit, si maintenant on a un indice, qu'il y a idraj, vous avez vu, maintenant je reste dans le terme en arabe, idraj, si on a un indice, alors dans ce cas-là, il dit, il n'y a pas de mal de dire que là, c'est mudraj. Que c'est mudraj. C'est ça. Là, vous avez compris maintenant, c'est quoi hadith mudraj. Donc en fait, juste comme ça, on a pris différents hadiths. Al-hadith al-muttarib, qui fait partie des hadiths faibles. On a pris le hadith al-marfoud. Parmi certains points, on n'a pas tout cité le hadith de Al-Marfoud, mais certains points, Al-Marfoud, on a cité le Munkar, on a cité Ash-Shadh, et là on est en train de parler du Al-Mudraj. Enfin, Al-Marfoud, ou Ash-Shadh, ou Al-Munkar, on va dire on a fait allusion. On a fait une allusion, comme Cheikh Al-Thaymin, dans son commentaire, fait une allusion. Là, Al-Mudraj, donc il nous donne l'exemple. Il nous dit, comme dans le hadith où il est dit, Abu Huraira, il rapporte que le prophète Sam a dit Inna ummati yuda'una yawm al-qiyamati hurran muhajjalina min athar al-wudu faman istata'a minkum an yutila hurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Le récit concernant le fait que le prophète sallam a dit, certes ma communauté sera appelée le jour de la résurrection غرا محجرين من أثر الوضوء غرا محجرين من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. Et donc quand ils seront ressuscités et appelés, on verra les traces. Les traces, comme de la lumière des effets des ablutions. Les effets des ablutions sur les membres où ils ont fait les ablutions. Alors, il est dit à la fin du récit que celui qui peut l'agrandir, puisque tous ces membres qu'on faisait les ablutions, on verra l'effet de cela quand la communauté, ceux qui faisaient les ablutions, sera ressuscité et appelé au jour de la résurrection. Le prophète nous dit, Abu Huraira rapporte que le prophète dit qu'on verra sur les membres qu'il avait les traces de ses ablutions. Donc ensuite il est dit que celui qui peut l'agrandir, qu'il le fasse. Celui qui peut agrandir les effets des ablutions, qu'il le fasse. C'est-à-dire en lavant plus. En lavant plus. وهذه نعلم أن قوله من استطاع إلى آخر من كلام أبي هريرة. Sauf que les savants disent, par contre, la partie que celui qui peut rajouter qu'il le fasse, les savants disent que ça, par contre, c'est la parole d'Abu Huraira. C'est la parole du compagnon. Que la parole du prophète, c'est « Certes, ma communauté sera appelée le jour de la résurrection. » Et ensuite, il dit « Ils sont hurran muhajjalin » par rapport aux traces des ablutions. Et donc, lorsqu'elle est dit « Hurra », c'est la blancheur du visage. Hurra, c'est la blancheur du visage. Regardez. Parce que Cheikh, il va dire « لِيَنَّ كَلَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَالِفُ الْوَاقِعَ » Parce que il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen aussi, la parole du prophète sallam ne peut pas contredire la réalité, le réel. Par exemple, فَالْغُرَّةُ هِيَ بَيَرْضُ الْوَجْهِ. Il dit par exemple, lorsqu'il dit « غُرَّةُ مُحَجَّلِين » Si on reste dans les termes en arabe, dans le hadith, il est dit « Ma communauté sera ressuscitée et appelée le jour de la résurrection et ils seront « غُرَّةُ مُحَجَّلِين » Le prophète, donc, il a décrit les membres de sa communauté le jour de la résurrection lorsqu'ils seront appelés Yuda'auna Ghurran Muhajjalin. C'est quoi Ghurran Muhajjalin? Il y a deux mots. Ghurran, une blancheur dans le visage. Une blancheur au niveau du visage. Et donc, Cheikh, il dit, au niveau du visage, est-ce qu'on peut agrandir la blancheur? Non, on ne peut pas. Puisque quand on lave tout le visage. C'est la condition des ablutions. Donc il dit, la hurra du visage, on ne peut pas l'agrandir. Il dit, لِيَنَّ الْوَجْهُ وَالْوَجْهُ فَإِذَا خَرَجْتَ عَنِ الْوَجْهُ إِنْتَهَتْ الْغُرَّةُ. Donc le wedge, c'est le wedge. Et tout le wedge, on le lave. Si tu dépasses du wedge, c'est plus le wedge. Donc, إِنْتَهَتْ الْغُرَّةُ. Donc la blancheur du visage, elle arrive à terme. وَأَمَّا التَّحَجِيلَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُطَلَ. Par contre, التَّحَجِيلَ, l'autre terme, ça, il dit, oui, on peut l'étendre. لَكِنَ الْغُرَّةَ لَا يُمْكِنَ وَهَذَا مِنْ تُرُقِ الَّتِي يُعْلَمْ بِهَا الْإِدْرَاجِ. Et ça, il dit, ça fait partie des causes dont on sait qu'il y a idraj. Et certains savants, dans la question, ils rapportent que Abu Huraira le faisait. Lui, il le faisait. Il faisait cela, il disait, celui qui peut rajouter de Al-Rullah wa Al-Tahjil, qu'il le fasse. Pour ça, certains savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Par rapport à ce récit. Et les savants qui disent qu'il n'y a pas à rajouter, parce qu'ils disent, c'est pas du prophète Sam, c'est un ijtihad d'Abu Huraira. Vous avez vu? Et ça, ils appellent ça idraj. C'est ça, idraj, lorsque, par exemple, le rapporteur rajoute. Fenqa le qahil. وهل ألفاظ الإدراج معلومة أي محصورة عند أهل العلم أو تعرف بالتتبع وبتصريح الراوي؟ الجواب ألفاظ الإدراج لا يمكن حصرها إنما يذكرون أمثلة متعددة وقد تعلم بكون هذا وقد تعلم بكون هذا المدرج لا يتأتى من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه غير محكم كما نعلم مثلا أن حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام نعلم أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه غير محكم فالطواف لا يختلف عن الصلاة بمجرد حيل الكلام بل يختلف عنها في أشياء كثيرة أكثر مما يتفق معها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون محكم إذن علله ابن حجر بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدريس واحتمال الإدراج كل هذه العلل تقدح في صحة الحديث الذي فيه عد الأسماء ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها أشياء لا تصح أن تكون اسما ومنها أشياء ثبت بها الحديث وأنها من أسماء الله ولم تذكر فالرب مثلا لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله فالرب مثلا لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله والشافي مثلا لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة مع أنه من أسماء الله تعالى فلما كان في هذه الأسماء المعدودة في الحديث ما لا يصح أن يكون من أسماء ومن الأسماء الثابتة ما ليس فيها وهي ظاهرة ومشهورة دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيه Et donc pour terminer, pour résumer, donc Cheikh a dit après tout ça, ensuite il va citer d'autres fawaïd par rapport à Al-Idraj, il va citer d'autres fawaïd. Par exemple, il dit si quelqu'un pose la question que lorsqu'il y a un rajout du rapporteur dans la chaîne de dans le récit, est-ce que c'est des paroles claires, connues, c'est restreint à des paroles ou non ? Alors, ou est-ce que c'est avec le suivi qu'on arrive à les reconnaître, ou bien c'est lorsque le rapporteur le déclare, le proclame, qu'il a rajouté ou non. Alors, comment cela ? Il dit, ce qui est rajouté, parfois, dans les récits, on ne peut pas dénombrer ça. Dire que c'est tel ou c'est restreint telle ou telle chose. Il dit, on ne peut pas. Sauf que les savants, ils donnent différents exemples. Ils varient les exemples, ils donnent différents exemples pour qu'on puisse connaître c'est quoi Al-Mudraj. Bikouni had Al-Mudraj, la yata'atta min al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qu'on puisse comprendre que ce qui est Mudraj, ça ne peut pas venir du prophète. Les savants savent qu'il y a des parties, ça ne vient pas du prophète. Likouni ghayr muhkam. Parce que parfois, la chose, elle n'est pas claire. Et ça ne peut pas venir du prophète sallam. Comme par exemple, il y a un récit qui est rapporté. Où il est dit tawaf bil bayti salatun. Le fait de faire tawaf autour de al-Kaaba, de la maison antique à la Mecque, autour de al-Kaaba, tawaf bil bayti salatun, que c'est une prière. Donc le récit dit le tawaf autour de la maison est prière. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Sauf qu'Allah, il a autorisé la parole de parler. Il dit ça, c'est pas la parole du prophète, sallam. Cheikh, là, il dit, ça, par exemple, c'est pas la parole du prophète. Pourquoi il est anna ghayr muhkam? Parce que c'est pas muhkam. Il dit, at-tawaf ne diverge pas avec la prière dans le fait de, dans la prière, on peut pas parler, et dans le tawaf, on peut parler. Mais il y a d'autres différences entre le tawaf et la prière. C'est pas juste dans le fait de pouvoir parler ou non. Puisque dans la récit, il est dit, sauf que le tawaf est prière, sauf que Allah a autorisé dans le tawaf de parler. Et là, Cheikh dit, la différence entre la prière et le tawaf n'est pas seulement dans le fait qu'on peut parler dans le tawaf et pas dans la prière. Mais il y a d'autres différences. Et donc, ça peut pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils ont dit. Il dit Idan. Donc en conclusion, on termine. En conclusion, ce récit, on revient maintenant à notre hadith. Le récit concernant une liste de noms dans un récit qui remonterait jusqu'au prophète Sassem ou que les noms d'Allah seraient déterminés dans ce récit-là. Il dit alors, il y a des causes défaillantes, de sorte que beaucoup de savants l'ont jugé faible. Et comme il a dit en résumé, donc il y a un seul rapporteur, Tafarrada Bihi, il y a un seul rapporteur qui rapporte cela, c'est Al-Walid ibn Muslim, parmi les causes. Il y a divergence, comme on l'a vu, donc instabilité, Al-Tarab, instabilité. Il y a du tedlis, le fait de cacher des défauts, la chaîne transition, ou ahtimal al-idraj. Et il y a supposition qu'il y a eu des rajouts. C'est ça l'idraj dans l'exemple dans cela. Il y a supposition qu'il y a eu des rajouts. Tout cela fait que c'est pour ça que beaucoup de savants disent qu'il n'est pas authentique. Donc là, maintenant, vous avez vu, vous avez vraiment une analyse. Une analyse. Là, c'est vraiment une étude concernant l'analyse du récit, concernant le fait est-ce qu'il y aurait une liste ou pas de ces noms. Bien déterminé. En plus de cela, en plus de tout cela, Cheikh il dit, dans le hadith qui est rapporté ou qui a des noms qui seraient déterminés, il dit parfois, il y a des noms qui sont mentionnés qu'en fait, qui ne font pas partie des noms d'Allah. Dans cette liste-là, dans ce récit-là, il y a des noms qui sont cités qui ne font pas partie des noms d'Allah. Et des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, confirmés qui ne sont pas dans la liste. Et ça rajoute aussi le fait que les savants ne voient pas l'authenticité. Il dit par exemple, لم يذكر أو لم تذكر فالرب مثلا. الرب n'est pas mentionné. مثلا. لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة. معناه من أسماء الله. Alors que الرب fait partie des noms d'Allah. سبحانه وتعالى. Par exemple, الشافي. الشافي n'est pas mentionné. لم يذكر في هذه الأسماء المعدودة dans ces noms-là qui sont cités, dénombrés, alors qu'il fait partie des noms sublimes d'Allah عز وجل. فلما كان في هذه الأسماء المعدودة في الحديث ما لا يصح أن يكون من أسماء ومن الأسماء الثابتة ما ليس فيها وهي ظاهرة مشهورة. Et donc, on voit donc qu'il y a des noms d'Allah عز وجل qui ne sont pas dedans et des noms qui ne font pas partie des noms d'Allah qui sont dedans. Donc il dit, cela prouve que c'est pas de la parole du prophète. Que ce n'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala, nabina Muhammadin, wa ala alayhi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et dans la prochaine assise, inshallah, on commencera, inshallah. Maintenant qu'on a étudié le hadith, on commencera l'étude des noms, inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salam.